moi encore une fois. Et tu seras mon roi. Dis-moi quoi tu penses avec ses yeux qui dansent. Tu viendras ce soir. Encore une fois. Et tu seras mon roi. Si je suis dans ton cœur, avec tout ce bonheur, toujours ta petite fleur. À mes couleurs à mille, je bois entre mes cils. Maintenant je dors tranquille. Je pense jour et encore une fois. Tu restes avec moi. Si c'est toi et moi pour toute la vie, je te dirai oui. Dis-moi encore une fois. Une fois.